Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour cette journée Voltaire. On est, vous savez, dans le tricentenaire de la mort de Louis XIV et quoi de mieux que pour terminer ce tricentenaire de la mort que Voltaire qui a célébré ce grand roi, entre guillemets, au XVIIIe siècle et c'était pour nous l'occasion, le centre de recherche, de nous associer à cette très importante réédition du siècle de Louis XIV avec la Voltaire Foundation. Et c'était l'occasion de vous présenter aujourd'hui également non seulement ces deux premiers volumes, donc sous la direction de Diego Van der Winoe et Nicolas Kronk, qui va vous dire un mot par la suite, et donc vous dire combien on est heureux d'avoir participé, collaboré avec d'autres institutions, mais dont la Voltaire Foundation était à l'origine, à ce projet. Donc nous aurons aujourd'hui les débats ce matin et cet après-midi avec une table ronde et je laisse la parole à Nicolas Kronk pour cette introduction un peu plus nourrie sur le sujet. Mathieu, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier Mathieu et tous ses collègues et collaborateurs pour tout le travail qu'ils ont apporté à la préparation de cette journée. Et je te remercie. Nous sommes à Oxford, à la Voltaire Foundation, nous éditons la première grande édition critique complète des écrits de Voltaire. C'est une très grande édition qui a commencé il y a 45 ans à peu près, qui va être achevée dans les 3, 4, 5 ans à venir. Donc on s'approche de la fin. Et parmi les grands textes que nous publions dans cette dernière étape est le siècle Louis XIV. Je veux qui. Comme Mathieu vient de nous rappeler, sur une édition en 6 volumes. Vous m'entendez bien? Oui, je préfère presque parler sans le micro, mais à la limite. Ok, très bien. Nous sommes très fiers de cette édition, qui est une édition du siècle Louis XIV, faite en collaboration avec le Centre de recherche de Versailles. C'est une première pour l'édition critique. Et aujourd'hui, nous pouvons fêter la sortie des deux premiers volumes, les deux volumes sur les 6 prévus. Les 4 autres vont suivre l'année prochaine. Et c'est l'occasion d'abord d'inviter Diego, qui va parler tout de suite, de parler de son édition. Mais aussi de réfléchir un peu plus largement aujourd'hui sur la notion de Voltaire comme Voltaire historien, le sujet est déjà connu, mais aussi Voltaire comme historien de la modernité. Je pense que c'est un sujet où il reste beaucoup de choses à dire, j'espère du moins, on va voir par la suite. Mais il est arrivé que, le hasard fait parfois bien les choses, on préparait plus ou moins en parallèle à Oxford. Les éditions critiques du siècle Louis XIV, mais aussi de l'essai sur les mœurs, du précis du siècle Louis XV, et Janet et James vont en parler de ce texte cet après-midi, aussi des lettres philosophiques, aussi des annales de l'Empire, c'est-à-dire une grande partie des textes où Voltaire traite l'histoire contemporaine ou presque. Il y a aussi l'histoire de Charles XII, sortie depuis quelques années. Et nous avons vu tout de suite qu'il y a beaucoup d'enjeux parallèles. Du point de vue historiographique, c'est très intéressant de voir comment Voltaire traite l'histoire moderne, d'autant plus qu'il a toujours chez lui une rhétorique contre l'histoire ancienne. Alors, ce qui nous aide à mieux comprendre les liens entre le travail de Voltaire historien et le travail de Voltaire philosophe. Donc, il y a là un sujet important qui est en train d'être renouvelé par la sortie de nos éditions. Et nous avons pensé que c'est une raison de faire cette journée d'études, c'était de faire le point sur la recherche qui est en cours actuellement. Je pense que c'est ça que je voulais dire. Le sujet de Voltaire historien est bien connu, mais le sujet de Voltaire historien de la modernité est un sujet qu'on peut renouveler, et c'est ce que nous espérons faire aujourd'hui.